reste dans l'air des choses qui ne partent jamais. C'est pas de la tristesse, c'est le poids du temps. Une trace invisible qui revient lentement. J'avance au hasard, le cœur à l'écart. Ce qui reste en moi refuse de s'éteindre. Les ombres restent en moi, je les traîne au quotidien. Et les souvenirs me frappent comme un vieux refrain. Ça fait longtemps que je parle plus, j'en vois plus l'intérêt. Les mots sont lâches et je cesse d'insister. Tout continue autour comme si rien n'était. Comme ces silences qui s'installent et qui sont restés. Tu fais avec sans chercher à comprendre. Y'a des choses en soi qui restent là. Je les laisse vivre, je les laisse prendre la place qu'elles veulent sans tracas. Ça reste là quand tout avance. Sans bruit, sans forme, sans importance. Rien à résoudre, rien à défendre. Ça reste là en permanence. Ça reste là quand tout avance. Sans bruit, sans forme, sans importance. Rien à résoudre, rien à défendre. Ça reste là en permanence. Rien à résoudre, rien à défendre. Ça reste là en permanence.